Les sionismes, quatrième épisode, les nouveaux immigrants en Israël. Yaakov Tzour. C'est Jérusalem que je trouvais en venant ici. Un vétéran du sionisme. C'était un peuple juif différent de celui que je connaissais. N'est-ce pas, dans les ruelles de la vieille ville, vous trouviez des juifs venant du Boukhara, venant de Perse, du Yémen, les juifs séfaradis, c'est-à-dire parlant espagnol, des juifs d'Afrique du Nord, des Marocains, des Maghrébins, comme on les appelait ici, des juifs du Caucase. Vous savez, un de mes amis a dit un jour, en décrivant la Jérusalem d'alors, « Est-ce que tu crois que c'est une ville ?» Mais non, c'est une fédération de villages, parce que chaque quartier avait une manière, avait une synagogue à soi, avait une vie propre. La marche de l'histoire, Jean Lebrun, sur France Inter. En compagnie aujourd'hui de Philippe Kimplowitz, bonjour. Bonjour Jean. Historien, musicien, musicologue, que beaucoup de liens réunissent à Israël. En dépit de ce que dit notre vétéran qui nous a accompagnés toute la semaine, Yaakov Tzour, les Ashkénazes, au moment de l'indépendance qu'il décrit, sont extrêmement majoritaires. Et ce sont eux qui ont construit l'État. Oui, alors ils sont majoritaires quantitativement. Ils sont majoritaires aussi dans les instances dirigeantes. Ce sont eux qui dirigent, ce sont eux qui influent l'idéologie. L'État est emprunt de la vision sioniste-socialiste de ces anciens venus de Pologne, Russie, un petit coin, quelques dizaines de kilomètres carrés, ce sont eux qui ont construit l'État. Eux, je dirais, il n'y a pas qu'eux, évidemment, naturellement, hein, mais en tout cas, l'idéologie, elle vient d'eux. Eux qui ont renoncé au yiddish pour parler entre eux hébreu. Vous nous le dites, les nouveaux immigrants en hébreu. Immigrants, ça c'est la bonne traduction dit, oui, enfin c'est une traduction comme ça. En hébreu, on dit olim chadashim, c'est-à-dire nouveaux montants. C'est-à-dire que le juif qui va en Israël pour s'installer monte en Israël. Il est censé gagner en élévation sur tous les plans. Dites, Yaakov Tzour cite déjà parmi ceux qui sont là depuis longtemps, oui, les Yéménites. Oui. Les Yéménites, ils ont fait leur premier pas en Eretz Israël au moment de la première alia des années 1880. Exactement. Les Yéménites sont parmi les premiers arrivants. J'ai une copine de Haïfa, qui est une copine très chère à mon cœur, qui s'appelle Vardi, dont le grand-père est arrivé du Yémen à pied et à dos d'âne. Il est pour s'installer à Jérusalem. Et je lui ai demandé pourquoi est-il venu. Elle me dit en hébreu, sionite datit, ça veut dire sionisme religieux. Donc c'était l'aspiration. L'aspiration à Sion, si je puis dire, a été fondamentale. Et Vardi est une Israélienne authentique. Dédicace spéciale Vardi. Oui. Plus d'une fois dans cette émission, on va entendre sur votre recommandation un sketch, dirais-je, signé Arik Einstein et Urik Zohar, qui raconte les vagues successives de l'immigration. Oui, alors ils sont deux, ils racontent toute l'histoire de l'immigration. Donc, ils sont sur une plage. Alors, c'est des Polonais, c'est des Russes, c'est des Yéménites, c'est des Allemands. Et chaque vague, chaque communauté voit arriver la communauté d'après et la regarde avec un air de mépris, de supériorité, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Il faut qu'on aille vivre avec eux ? Impossible. J'ai dit spécial dédicace Vardi. 1949, une opération dite tapis volant amène d'un coup 50 000 Yéménites en très peu d'heures. Et alors, on va entendre nos amis Arik et Uri. Oui. Dire, mais on va tout de même pas, je reproduis ce que vous disiez, vivre avec ces gens-là. Alors, faut voir comment ils sont. Ils ont des papillotes, ils ont des bagages interminables, et puis, évidemment, il y en a un qui est déguisé en femme, et évidemment, la femme est enceinte, parce qu'évidemment, ils ont des mioches, et quand ils arrivent, ils s'agenouillent sur le sable, évidemment, comme tous les Olim Hadashim, comme tous les immigrants. C'est-à-dire qu'ils baissent la terre. Ils baissent la terre, oui. Et surtout, enfin, Il la bénisse, quoi. Et il la bénisse, béni sois-tu, éternel notre Dieu, qui nous a permis d'arriver jusqu'ici, de vivre ce moment présent et qui a sanctifié la terre d'Israël. Mariova! Des Yéménites, donc, sous le regard des Polonais, déjà installés. Je ne peux pas travailler comme ça. Des falafels, de l'ail, de la sauce piquante partout. Je ne peux pas travailler comme ça. Regard de surplomb des Polonais sur les Yéménites. Vous dites, spéciale dédicace vardique, elle est une authentique israélienne. Alors, qu'est-ce que les Yéménites ont pu garder sans difficulté de leur culture propre ? Difficile à dire. Enfin bon, n'importe comment, il y a la liturgie yéménite, il y a les chants yéménites sont, et les danses yéménites sont bouleversantes. Elles ont irrigué tout le folklore, toute la tradition israélienne. Le parler yéménite, enfin le parler hébreu, est un parler d'une très très grande pureté. Et c'est une communauté extrêmement respectée en Israël, même si elle a beaucoup souffert par ailleurs. On va continuer la ritournelle parler maintenant d'autres Arabes, ceux qui viennent d'Afrique du Nord. Parmi eux, au moment de l'indépendance de la Tunisie, du Maroc, dont il vient, bientôt de l'indépendance algérienne, Raphaël Bensoussan, c'est dans une série de Marc Kravetz de quelques 25 heures qui concernait l'histoire du Proche-Orient sur France Culture. En 62, j'ai organisé un certain nombre de groupes qui ont fait leur immigration en Israël. On s'occupait beaucoup d'immigration clandestine aussi. C'était des années assez mouvantes puisque la communauté marocaine était en complète désagrégation. Surtout du fait que la France se retirait de plus en plus du Maroc et que les affaires, tant du niveau économique, social qu'éducatif, passaient entre les mains des populations locales, qui n'avait pas beaucoup de sympathie pour les populations juives. Il y avait une tension très certaine à cause du nationalisme très, très puissant, très virulent qui existait à l'époque, le fait de l'indépendance, le combat pour l'indépendance, le retrait de la France. Et de l'autre côté, le fait que nous, juifs marocains, étions presque à 100% des gens qui voyaient en Israël la réalisation d'un certain nombre de rêves. Les Marocains arrivent sous le regard des Allemands. Ah, maintenant on va avoir droit aux Marocains. Au scandale, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que c'est que cette culture et ces manières? Ça doit être des Marocains, parce qu'ils arrivent au milieu des années 50 au son de la Marseillaise. Ça doit pas être des Algériens. Ça aurait pu être des Algériens. Non, mais là, c'est Jacqueline, Jojo. Donc, ça parle. Il n'y a pas besoin de traduction, si, quand même. Si, parce qu'ils disent en hébreu, là, ça n'a pas été traduit. C'est notre État ici, c'est notre drapeau, et tout ce qui est là va être à, tout ce qui est là va être à nous. Alors, juste une toute petite anecdote sur l'immigration marocaine que m'a raconté. Alors, on peut dédier l'émission à un autre ami à moi qui s'appelle Samy, qui est marocain. Et donc Samy me racontait que dans un petit mélar, dans un petit village juif du Maroc totalement isolé, est arrivé un émissaire du mouvement sioniste. Il a commencé à parler de la terre d'Israël et en disant il faudra penser à immigrer. Il est arrivé une heure après, ils étaient tous là avec leurs valises. C'est une légende sans doute, hein, mais prêt à partir tellement, encore une fois, cette puissance émotionnelle de la terre d'Israël pour des communautés pauvres, hein, je dis bien, pour des communautés très pauvres, que ce soit au Maroc, au Yémen, en Pologne ou en Russie, était très fort. Mais les Juifs du Maroc qui étaient dotés d'un certain capital scolaire, je parle comme les sociologues, n'ont pas nécessairement choisi Israël. Les plus pauvres ont choisi Israël et ils ont essuyé une cascade de mépris. Quelles sont les difficultés qu'ont connues les Marocains ou les Algériens? Voilà, bon, donc ils sont arrivés dans un pays qui effectivement où était privilégié tout ce qui était ashkénaze. Sur le thème, on était là avant. Donc, les difficultés, la religion était pour les pionniers de l'État d'Israël, hein, pour les premiers pionniers sionistes, la religion, c'était quelque chose c'était résiduel, hein, c'était à proscrire en n'en voulant pas. Donc, des Marocains dont la culture était essentiellement religieuse, on leur a prié de remettre ça au placard. On les a qualifiés de superstitieux. Oui, superstitieux, primitifs, dangereux. Alors, en plus, ils ont été parqués, on peut le dire parqués, dans des mahabarotes, des camps en toile ou des camps de transit qui devaient être provisoires et qui ont duré des années. Donc l'intégration de ces juifs marocains la culture scolaire, en tout cas la culture attendue, la culture universelle, la culture des juifs ashkénazes, ils ne l'avaient pas. Et donc ça a donné en cascade une population défavorisée, beaucoup de ressentiment aujourd'hui encore, et un ressentiment assez fondé. Vous pouvez nous donner 2-3 adjectifs hébreux qui s'accolent assez automatiquement au nom de Marocain? C'est pas gentil ce que vous me demandez là, oui. Donc il y a Marocco Sakin, ce qui veut dire Marocain couteau. Chourineur. Oui, chourineur, oui. Qu'est-ce qu'il y a de primitivim. Vous voyez, enfin, inutile de traduire. Vous nous parlez de l'école, oui. et le mariage. Alors le mariage, c'est autre. Alors il y a plusieurs choses. Alors parce que ça, c'est difficile de comprendre Israël. Israël, c'est un pays où les communautés sont très très formées, communautés d'origine, communautés d'orientation diverses, et où en même temps l'intégration est très présente. Donc il y a des mariages qu'on appelle en Israël des mariages mixtes. Donc des mariages séfarades ashkénazes. Et puis il y a un très très grand creuset d'intégration, c'est l'armée. Et aujourd'hui, beaucoup de juifs séfarades appartiennent à une unité d'élite qui s'appelle l'unité Golani. C'est une unité combattante. D'autre part, il y en a beaucoup d'autres qui ont fait l'objet d'une série très très très regardée sur Netflix aujourd'hui qui s'appelle Faouda. C'est traduisé. Faouda, ça veut dire bordel en arabe. Donc, bordel, ça veut dire que quand c'est, donc ils se déguisent en arabe, ils font des opérations épouvantables. C'est des infiltrés. C'est des infiltrés, oui. Et quand. C'est plus des chourineurs, c'est des contre-terroristes. Oui, c'est des contre-terroristes, mais remarquables. C'est-à-dire, parlant un arabe parfait, méconnaissable pour les autres. Faouda, quand l'opération se termine mal, Faouda, ça veut dire, on se barre, on fiche le camp. Et donc, ces Marocains sont, très présent aussi dans l'armée. Voilà. Pour en finir avec ce chapitre qui nécessiterait beaucoup d'autres pages encore sur les immigrants d'origine arabe, le musicologue que vous êtes, Philippe Gaplowitz, nous recommande une production qui, vous l'avez appris il y a peu, succès mondial de juifs ou de juives yéménites. Oui, donc ces trois sœurs, le groupe s'appelle Awa, c'est un groupe qui a beaucoup de succès. C'est une musique à la fois un peu électro, un peu techno, chantée en arabe. Et elles se font l'écho de leur grand-mère, les yéménites parlant arabe entre eux. Enfin, parler arabe entre eux. Et donc, dans la chanson est repris tous les stéréotypes accolés aux yéménites. Nous sommes primitifs, nous avons nos petites histoires. Et une petite histoire juive concernant les grands-mères, peut-être yéménites, que vous m'avez raconté, Philippe Gaplowitz. Il y a beaucoup de séries porno aussi qui passent en Israël, mais une grand-mère yéménite la regarde et sa réaction naturelle, c'est... Alors elle demande, ses enfants lui demandent, mais pourquoi tu regardes ça? Elle dit, j'attends la fin, ils vont sans doute se marier. Ben voilà. J'attends le mariage. Coming. marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Les nouveaux immigrants en Israël avec Philippe Gimplowitz. Et maintenant, il faut parler des Russes, pas des Russes de la plus haute antiquité, de la première et de la deuxième alia. Non, les Russes d'après 1970 ou mieux encore, 90. D'après la chute du communisme en 89. Ici, donc, on est à Ashdod. Ashdod, qui est la cinquième ville d'Israël et qui est la ville qui a accueilli le plus grand nombre de nouveaux immigrants russes. Près de 35% de la population sont des pays de l'ex-URSS. Ici, on est dans le quartier russe où il n'y a quasiment que des Russes. Tous les magasins sont avec des affiches en russe. Ici, on vend avant tout à une clientèle russe. Donc, on parle russe, on écrit en russe et aussi des produits russes comme de la charcuterie, donc des produits non cachers pour cette clientèle qui, en grande majorité, ne mange pas cachère. Là, on rentre dans une charcuterie russe, charcuterie qui est partie d'une chaîne d'alimentation, qui ont 5 magasins à Ashdod même. Ils vendent uniquement des produits non cachers. Ambiance russe, musique russe, clients russes et de la musique russe en permanence. Alors, on se retrouve dans un quartier où on a l'impression de ne plus être en Israël, mais d'être en Russie. Michael Bloom, dans Pourtant, elle tourne. Alors, les Russes, à l'époque de Staline, ne pouvaient pas quitter. L'Union soviétique. Staline avait même inventé terre promise. Oui, qui s'appelait le Birobidjan. Ne l'oublions pas. À partir de la fin des années Brejnev, quelques-uns, au risque de se présenter comme des dissidents, commencent à demander l'autorisation de pouvoir parler en Israël. De pouvoir parler et partir en Israël. Ben oui, c'est le début, c'est les premiers, enfin ceux qu'on appelle les dissidents, les refusnikim, les refusniks. Et c'est l'amorce d'un mouvement d'émigration très très important. Aujourd'hui, il y a près d'1 million de Russes en Israël. C'est la communauté la plus importante. Et ils sont tous, comment pourrais-je vous dire? On a employé le mot kasher là tout à l'heure. Ils sont tous très kasher, ces juifs russes. Est-ce qu'ils sont d'ailleurs tous juifs? Oui, alors déjà, il faut commencer par là. On va dire oui, par facilité, mais quand on dit oui par facilité, ça veut dire que c'est non en réalité. Mais pas les tous, partis religieux, par exemple, disent, mais ils ont acheté des certificats de conversion. Oui, et puis beaucoup d'épouses étaient non-juives. Enfin bon, vous voyez, c'est là on arrive à la complexification, la complexité de ce que c'est que l'être juif. Moi, il y a une, par rapport à cette définition, c'est une petite parenthèse, il y a une définition que j'aime beaucoup de l'être juif. Et juif, celui qui s'oppose à l'idolâtrie. Purement et simplement, c'est un maître du Talmud, lui-même converti, qui disait ça, pour dire que il n'y a rien de racial là-dedans. Mais enfin, bon, cela dit, beaucoup sont, la très très très très grande majorité est absolument laïque. On estime à 30% de cette immigration qui n'est pas réellement juif, c'est-à-dire dont la mère n'est pas juive. Donc ça veut dire aussi des problèmes, des questions. Allez, un autre copain arrive dans l'histoire, c'est Uri, dont la belle-fille est ukrainienne, vaguement juive, donc il s'inquiète aussi. Elle est mariée à son fils en Israël, est-ce que, etc., pour les mariés. Et cela dit, alors, donc cette minorité est ultranationaliste, au sens israélien du terme. C'est Avigdor Lieberman. Lieberman, il y a eu un autre grand chef des juifs russes qui était Staronsky, qui était une haute figure de la dissidence en Union soviétique. Oui, oui. Mais il a intégré, lui, le Likoud, et c'est Lieberman qui a continué à faire cavalier seul avec un parti à lui. Oui, enfin voilà, il a remporté la mise, Lieberman. Si vous voulez, c'est intéressant parce que le parti de Staronsky s'appelait Israël Baalia, Israël dans la montée, Israël dans l'immigration, et le parti de Lieberman s'appelle Israël Beteinu. Israël Beteinu, Israël notre maison. Ça veut dire on est là, on est ici. Quoi. Il y a déjà quelque chose, vous voyez, qui est dans l'esprit, qui est très différent. Et ce qui est très intéressant et ce qui n'est pas beaucoup su aussi, c'est qu'une très très grande partie des colons non religieux qui habitent les territoires occupés, la Cisjordanie, sont des Russes. Hein. Ils forment 90%. Les Russes forment près de 90% de la communauté d'Ariel. C'est-à-dire que les colons les plus extrémistes non religieux sont russes. En fait, mais examen russes. D'une cohabitation, si on revient au cas d'Ashdod, qui était un peu documenté il y a un instant, il y a des quartiers russes, on a l'impression que la ville est russe, mais je crois qu'il y a 20% de religieux orthodoxes dans cette ville d'Ashdod. Alors comment se fait la cohabitation? Les Russes disent ils font beaucoup d'enfants et ils sont préoccupés que d'avoir des écoles pour élever ces enfants. Elle se non fait pas, si je puis dire. Elle se non fait pas. Elle se fait pas la cohabitation. La cohabitation, elle est, c'est vraiment, c'est des porcs épiques avec des, comment dire, des pointes, des épines qui ne veulent pas se rencontrer. Oui, parce que pour d'ailleurs tout le programme de d'Avigdor Lieberman aujourd'hui dans les élections, c'était la laïcité qui était mise en premier rang. C'était ça fait partie aussi des ambiguïtés du pays. Quoi. Et Israël doit beaucoup en matière de technicité, de modernité aux Russes. Et voici que, à peu près en même temps que les vagues russes déferlent, arrivent ce qu'on appelait dans un premier temps les falachas, témoins des tribus perdues d'Israël et qui habitaient le nord de l'Éthiopie et qui sentaient que leur jour y était compté sous le terrible régime Mengistu. En septembre-octobre 1984, vous devez vous souvenir que Michael Jackson et 35 autres artistes ont chanté « We are the world », « Nous sommes le monde », dans le but de récolter de l'argent pour les populations qui mouraient de faim au Soudan et dans le nord de l'Éthiopie. Dans le même temps, les Juifs qui avaient fui l'Éthiopie vers le Soudan dans l'espoir ensuite de se rendre en Israël mouraient dans les camps de réfugiés du Soudan. La situation était telle qu'il fallait emmener ces Juifs en Israël de toute urgence. Avec l'aide du gouvernement américain et avec celle d'un très bon Juif, un Juif très orthodoxe de Belgique, M. Georges Gittelman, il avait une compagnie aérienne qui s'appelait Trans-European Airlines. Et c'est ainsi qu'en 6 semaines, nous avons réussi à faire venir 6364 juifs éthiopiens en Israël. Silence, s'il vous plaît. Pour la première fois, des frères, des noirs ont quitté le sol africain. Non pour être vendus. Non pour devenir esclaves. Mais pour être sauvés. Pour être libérés, soyez les bienvenus. Shalom. Shalom. Les Juifs éthiopiens, quand ils sont venus en Israël, ils ne savaient pas qu'il existait des Juifs blancs. En Israël, nous avons eu la même réaction. Nous ne pensions pas qu'il pouvait exister des Juifs noirs. Un extrait du film de Mila Ilanou et le témoignage d'Arié Fjellman, qui fut un des organisateurs de cette opération en double partie, de ces opérations aériennes qu'affectionnent les Israéliens, qu'ils réussissent assez brillamment. Bon, l'intégration, ils sont 150 000 Éthiopiens, aujourd'hui n'est pas non plus chose aisée. Oui, c'est pas facile. Oui. Non, je reprends ce qui a été dit, effectivement, la surprise de ces Juifs éthiopiens, ils s'appellent Beta Israël, hein, la maison d'Israël. Arrivant en Israël, voyant des blancs, que des Juifs puissent être blancs, c'était quelque chose d'absolument hallucinant pour eux, quoi. Voilà. Intégration difficile. D'abord parce que ils se considèrent comme plus Juifs que Juifs. Donc ils ont des lois religieuses, enfin des interprétations des lois religieuses qui sont terribles, notamment toutes les lois de pureté après la couche, enfin, par rapport au sang, sont des lois que même le rabbinat orthodoxe, les différents rabbinats orthodoxes d'Israël ne comprennent pas. Ça c'est la première chose. Ensuite, alors évidemment, comment dire, le choc culturel absolument énorme, un analphabétisme très très répandu, 90% des adultes. À l'arrivée, oui. Maintenant, ils lisent Malcolm X en hébreu. Maintenant, ils lisent Malcolm X en hébreu, certains d'entre eux aussi. Et vous parlez de cohabitation tout à l'heure, dans un centre d'intégration, on a mélangé des Russes et des Éthiopiens. Réaction des Russes, mais ceux-là, ils dormaient dans des arbres quand ils étaient là-bas. Vous n'allez pas me dire qu'ils sont juifs, ils sont rien du tout. Donc c'est toujours la même histoire. C'est le regard. Il n'y a qu'à les faire revenir en Afrique, c'est pas le tiers-monde ici. Oui, c'est pas. Oui, on est chez nous, quoi. Vous voyez, on est chez nous. Le mec, il vient d'arriver. Vous voyez, c'est ça aussi, quoi. C'est pas le tiers-monde, on est chez nous. Alors, dernière question fatale. Oui. Philippe Gimplewicz. Bon, la loi du retour, légitime l'arrivée de nouveaux immigrants, pour peu qu'ils prouvent leur statut de juif. Vous savez qu'en Israël, qui se targue d'être un pays occidental, il n'y a pas de procédure organisée du droit d'asile. Et on a donné en 10 ans à 10 Africains, un par an en moyenne, érythréen ou soudanais, la possibilité d'être réfugiés. Et ne parlons pas des immigrés illégaux qui sont des infiltrés, considérés comme tels, avec des lois que Netanyahou a essayé de faire passer aux grandes dames de la Cour suprême et qui promettaient, pour ceux qui franchissaient illégalement la frontière égyptienne, jusqu'à 3 ans de prison. Oui. C'est gênant quand même. Bah, c'est de voir des images de reconduite et pareil comportement. Oui, oui, bah c'est évidemment que c'est gênant. Évidemment que c'est gênant. Alors, autre dédicataire de l'émission, c'est mon ami Marc. J'ai parlé de ça avec lui ce matin et il m'a dit une chose très juste. Il dit le problème d'Israël, c'est Israël d'un côté et juif de l'autre. Alors, Israël, la normalité. Israël est un pays que les pionniers voulaient normal comme les autres. Donc la normalité, c'est aussi malheureusement aujourd'hui l'intolérance et l'intolérance à l'égard de celui qui arrive, à l'égard de l'altérité. Jolie pirouette. Non, mais bon voilà. D'autre part, ça c'est une première chose. D'autre part, le juif évidemment c'est la mémoire d'être soi-même un réfugié. Hébreu, la racine hébraïque de hébreu, ivri, c'est l'avor, le verbe, c'est celui qui passe les frontières. C'est l'homme de passage. Alors ce que je veux dire tout de même, j'ai essayé de sauver Israël, qui est un pays que j'aime beaucoup. Il y a un Israël humanitaire extraordinaire, par ailleurs. Tout ce que vous dites est juste. Hein. Il y a de la honte à écouter ce que vous dites, pour moi. Il y a aussi le fait de missions humanitaires, les gens qui ont été renvoyés chez eux, enfin dans un camp spéciaux d'ailleurs, dans des camps spéciaux en Ouganda, les immigrés clandestins, il y a des médecins israéliens qui retournent les voir pour qu'ils ne perdent pas contact. Beaucoup sont des enfants qui parlent hébreu, hein, pour qu'ils ne perdent pas contact avec la langue, pas contact avec le pays. C'était une émission, merci à vous, Philippe Kaplowitz, spéciale dédicace, Vardy, Samy, Uri, Marc, Ilinka Negulesco, Audrey Ripouille et Tiffany Battistel.